soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 18 mars 2025, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de cette semaine des mots des sons sensibles en direct en ce mardi dans ce 12-13h, rediffusion entre 19 et 20h et demain en matinale dès 8h. Une émission aujourd'hui consacrée à l'actualité politique, sociale et culturelle avec des invités en studio aujourd'hui qui viennent tout juste de nous rejoindre au plateau et au micro. Je reçois pour ce jour Jean-Pierre Mousset et Jean-Marc Chazot. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Vous représentez tous deux deux organisations, structures, à la fois Vers de Terre, Jean-Marc Chazot, qui est organisateur, on le sait, de façon bien alisée désormais, tous les deux ans, oui, Vers de Terre. Le prochain étant le 6-7 septembre. Bien près du micro, Jean-Marc, s'il te plaît, en radio. Ce sera les 6 et 7 septembre 2025 au parc Joseph Sangdols, parc Courriot. C'est le salon de l'agriculture paysanne. Voilà, nous reviendrons en parler d'ici là. Ah bah oui, il y aura l'occasion d'en reparler en effet. Et puis à tes côtés, Jean-Pierre Mousset. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Qui représente les Amis du Treuil, entre autres, mais également le collectif Partageau, que l'on connaît bien aussi sur cette antenne et que l'on suit. Et ce fut le cas l'an dernier, 2024, pour une série d'émissions consacrées à cette question de l'eau, avec en point d'orgue ce forum de l'eau, forum départemental, qui a eu lieu pour la deuxième édition. C'était en novembre dernier. Les Amis du Treuil et Vers de Terre s'associent et mutualisent leurs moyens pour co-organiser le printemps de l'agriculture paysanne. Alors c'est un événement qui en est à sa combien d'éditions exactement? Je dirais cinquième édition. Je pense que de toute façon c'est la troisième en collaboration Les Amis du Treuil et Vers de Terre. C'est la troisième, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a démarré l'année du Covid forcément en étant beaucoup moins riche en rencontres qu'on avait prévues, mais c'est l'année où on a vraiment démarré. Ouais. Alors nouvelle édition, c'est vrai qu'on est en approche grandement du printemps, on sort de l'hiver cette mi-mars, cela va être dans quelques jours, on va véritablement basculer dans la saison printanière, les événements fleurissent ici et là, nombreux comme habituellement, je dirais presque chaque saison. En tout cas, ce printemps de l'agriculture paysanne propose bon nombre d'événements, il a officiellement démarré le 8 mars dernier et il va se prolonger jusqu'au 5 juin prochain avec justement une ouverture sur la rentrée prochaine puisque ce sera l'occasion de présenter précisément le salon de l'agriculture paysanne. Alors l'occasion aujourd'hui et ensemble, Jean-Pierre et Jean-Marc, de présenter quelques éléments de programmation de ce printemps de l'agriculture paysanne avec des rendez-vous en perspective, quelques temps forts que nous allons tenter de présenter et puis aussi bien sûr faire part de l'actualité, je dirais, assez chargée en la matière. Merci à vous encore d'être présents. On vous retrouvera essentiellement en deuxième partie de programme pour le grand entretien et donc discussion à bâton rompu et discussion croisée en deuxième partie de ce programme. Quelques infos à faire part en forme d'agenda et rendez-vous divers vont également alimenter ce début d'émission. Une émission et un programme qui s'ouvre en musique comme habituellement avec nos découvertes et partenariats musicaux, albums et artistes avec notre fédération nationale, la Fédération nationale des radios associatives musiques actuelles, la FERAROC, qui vous propose comme chaque semaine double artiste album. album en découverte et en soutien. Alors aux côtés de Common Insight et l'album Thrill for Novelty, album plutôt folk, eh bien j'ai retenu pour ouvrir ce programme le nouvel album de Nova Materia, l'album Current Mutation, qui est en découverte cette semaine. Alors c'est un duo qu'on avait déjà proposé et présenté sur cette antenne. Il est composé de Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez, qui sont des compositeurs et musiciens ou compositrices et musiciennes franco-chiliens ou franco-chiliennes qui explorent au-delà de la musique, je dirais vraiment toute la scène vivante qui va de la musique au cinéma ou encore à l'art sonore. Ils ont été fondateurs d'un autre groupe assez culte dans les années 90, le groupe Panico, qui existait à Santiago du Chili, et ils ont véritablement marqué la scène musicale locale dans ce Chili d'alors. Laissons de côté Panico pour explorer aujourd'hui ce projet Nova Materia, qui fusionne toujours musique électronique, post-punk, matériaux assez bruts comme le métal et la pierre, et oui, cela peut surprendre, mais voilà aussi où travaille ce projet et ce duo sur cette approche expérimentale et interdisciplinaire, et l'art sonore notamment, avec donc de nouvelles technologies, des dispositifs parfois surprenants, bref. Une œuvre assez singulière que je vous propose de découvrir avec un extrait de cet album, donc Current Mutation, sorti via Beta Pictoris Music. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est le titre en espagnol Lo que no entiendes, ce que vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est tout simplement à écouter et découvrir. C'est Nova Materia sur Dio, c'est la découverte Ferrarock cette semaine des mots des sons sensibles. C'est parti. ¿Entiendes? Lo que no entiendes de Nova Materia, issu de cet album Curate Mutation, sorti via Beta Pictoris Music, duo composé de Caroline Chasse-Poulet et Eduardo Henriquez. Compositeur, compositrice, musicien, musicienne franco-chilien. Et depuis la fin du projet Panico, ils explorent toujours de nouvelles frontières artistiques avec Nova Materia, qu'on vous avait déjà présenté sur cette antenne et qui d'ailleurs est toujours en rotation dans notre programmation générale. C'est vraiment un projet que l'on apprécie particulièrement et qui, comme ça, au-delà de la musique, eh bien, les amène à, dans cette approche expérimentale et interdisciplinaire à collaborer aussi dans d'autres univers, que ce soit dans les bandes originales de films, des créations théâtrales ou encore des installations immersives. C'est la découverte Ferrarock cette semaine. Vous aurez davantage d'informations en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org où vous retrouverez justement l'actualité de notre fédération nationale avec notamment le printemps de Bourges 2025. C'est le printemps aussi, toujours musical, du 15 au 20 avril. Le prochain et la Ferrarock sera bien sûr de la partie et sur site et sur place pour des émissions spéciales. Et puis donc plus d'infos sur ces artistes soutenus cette semaine, que ce soit Nova Materia ou Common Insight. Et pour en savoir encore davantage, on vous renvoie bien sûr sur l'émission Dig Dig Deezers, l'émission mutualisée et collective que vous retrouvez chaque semaine sur les stations Ferra et donc sur le 895 de Dio. Radio Méga a assuré une interview auprès de Nova Materia justement. Bob FM a rencontré Common Insight et vous retrouverez même une petite carte blanche live. Ce sera tout le menu programme de Dig Dig Diggers, ce 12e numéro de cette année 2025. Ce sera sur Dio ce vendredi 12h, 19h et lundi en matinale dès 8h. Premières infos dans ce programme des mots des sons sensibles en complément finalement du programme d'hier. Je vous ai proposé dans ces mots des sons sensibles hier un retour sur Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique de 2024, l'édition de novembre dernier sur lequel nous étions bien sûr présents en direct sur les ondes de Radio Ondaine et Radio Dio avec différentes interviews, rencontres et autres tables rondes. Je vous ai proposé de façon assez brute en ce début de semaine la table ronde qui portait sur l'habitat participatif et notamment vieillir en habitat participatif. Et bien complément d'informations et actualités finalement toujours dans cette thématique, puisque vous avez eu l'occasion dans cette émission et dans ce programme de retrouver Coaptitude 42, et bien qui propose de nouvelles rencontres autour de l'habitat participatif. Si vous souhaitez découvrir précisément ces projets et les démarches possibles, et bien c'est un temps d'interconnaissance, de discussion, d'échange et d'apport qui va être proposé sur ces projets d'habitat participatif. Un rendez-vous qui va avoir lieu un peu plus loin que le département de la Loire, en Haute-Loire. Ce sera à Monistrol-sur-Loire, au Château des Évêques, et ce sera ce jeudi 20 mars 2025. À 19h, donc avec Coaptitude 42. Et tout en complément, vous avez retrouvé dans cette émission également spéciale et cette table ronde hier, Carole Samuel, qui est spécialiste en la matière, accompagnatrice sur les projets d'habitat participatif. Et bien précisément, elle sera aux côtés de Coaptitude Loire pour différents événements tout au long encore de cette année 2025. Elle sera par exemple, passons d'un salon à un autre, de Prime Vert, il est question là cette fin de semaine, c'est 21, 22 et 23 mars à Lyon. Eh bien, ce sera l'occasion de la retrouver et de parler à nouveau d'habitat participatif à l'occasion de ce salon Prime Vert. Elle sera encore le 17 mai prochain aux journées Habitat Participatif au RIS à Villeurbanne. Et puis, il y aura encore beaucoup plus proche, ce sera dans la Loire à Andrézieux-Boutéon, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date, ce sera le salon Couleur Nature à Andrézieux-Boutéon et ce sera le dimanche 18 mai prochain avec donc Carole Samuel et Coaptitude 42. Vous avez toutes les infos également via les sites dédiés. Carole Samuel, tout simplement en minuscule et tout accroché.fr pour son site dédié, et puis coaptitude42.org également pour le site où vous retrouverez d'autres informations plus détaillées. Voilà concernant cette question de l'habitat participatif et concernant Tatou Juste 2024. Je vous rappelle que vous retrouvez sur notre site internet radiodio.org l'ensemble des rencontres, interviews d'exposants, exposantes, de tables rondes qui sont en ligne et disponibles. Donc en podcast, comme l'on dit, en réécoute possible sur notre site radiodio.org. l'occasion de vous faire part encore dans ce début de programme d'informations que nous avons reçues, parce que c'est aussi le principe que de nous adresser toute information que l'on tente de transmettre et de diffuser, bien entendu. C'est le cas par exemple avec le CHU de Saint-Étienne qui nous a fait part de ce mois de mars un peu particulier, mars bleu, opération et moi dédié à la prévention et au dépistage du cancer, et c'est le cas notamment du cancer colorectal. Alors simplement, le CHU de Saint-Étienne organise une journée de sensibilisation, et bien ce sera ce jeudi 20 mars de 10h à 16h dans le hall du site de l'hôpital Nord, l'occasion de retrouver toute information à cette question du dépistage du cancer. La Ligue contre le cancer sera également présente pour différents temps, je dirais, d'informations, notamment concernant l'alimentation. L'alimentation saine, c'est aussi ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais c'est chose importante pour lutter précisément contre cette maladie terrible. Et puis un espace patient proche au fil de la Ligue qui sera également présente et qui travaille à l'accompagnement des familles face à la maladie. Voilà, Mars Bleu, journée de sensibilisation, ce 20 mars, toute la journée, 10h-16h, dans le hall du site de l'hôpital Nord. Un temps de rencontre également qui est prévu ce jeudi 20 mars, où il va être question du numérique et notamment de ces outils de notre quotidien, les multiples possibles usages que nous apporte le numérique, qui font écran aussi à ce qui permet leur existence, extraction, conception, production, et notamment la question de l'intelligence artificielle. Alors voilà, quelles sont les énergies et leurs volumes qui nourrissent les systèmes d'intelligence artificielle? Quels usages et quels impacts? Consommatrice d'énergie, l'intelligence artificielle peut-elle aussi être mise à profit pour réguler la consommation et la production d'énergie? Comment rendre les systèmes d'information plus efficient, comment favoriser et faciliter la sobriété numérique alors que les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT sont aujourd'hui couramment utilisées. C'est dans le cadre de l'expo Gigawatt, c'est la Rotonde, le centre culturel scientifique et technique de Saint-Étienne qui propose cette rencontre. Gaïa, IA et ressources naturelles, défis et challenges, une rencontre discussion en présence de chercheurs du département informatique et systèmes intelligents de l'Institut Henri Fayol, École des mines de Saint-Étienne, tous les quatre d'ailleurs intervenants et intervenantes qui sont affiliés à un laboratoire spécialisé en la matière. C'est un rendez-vous radio également ou podcast. C'est un enregistrement de l'émission Ricochet qui est proposée régulièrement par le CCSTI École des mines de Saint-Étienne, La Rotonde. Et c'est un rendez-vous qui est proposé donc autour de l'IA ce jeudi 20 mars à 17h45 à la Soucoupe qui est située 158 cours Fauriel. La question du numérique, toujours dans le cadre d'une semaine spéciale, c'est la semaine de la petite enfance actuellement. Et une conférence exceptionnelle sur le thème « Les jeunes enfants et les écrans » sera animée par Thomas Romer, qui est directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Une soirée qui s'adresse exclusivement aux adultes et éventuellement professionnels pour mieux comprendre l'impact des écrans sur les tout-petits et découvrir des pistes concrètes pour accompagner au mieux les enfants et les familles. Alors c'est un rendez-vous, attention si vous suivez la rediff, mais de ce mardi 18 mars. Ce sera à 19h pour l'accueil et la conférence de Thomas Romer démarrera à partir de 19h30. C'est une conférence gratuite, la place ou les places sont limitées, attention, et ça se déroulera à la salle Libération, 3 rue de l'Hôtel de Ville à Villars, sur la commune de Villars, ce mardi 18 mars, donc à partir de 19h. C'est une opération qui intervient dans le cadre, comme je le disais, de cette semaine de la petite enfance qui est essentiellement portée par la caisse, la CAF en fait, tout simplement. Autre semaine spéciale qui se déroule actuellement, ce sont les semaines de l'égalité dont on a déjà parlé sur cette antenne et au travers de différents programmes. C'est Saint-Étienne Métropole qui organise en lien étroit avec les communes de la métropole ces semaines de l'égalité. C'est une 13e édition qui a commencé le 6 mars dernier, qui se prolonge jusqu'au 29 mars prochain pour sensibiliser au harcèlement sous toutes ses formes et lutter contre le racisme notamment. Des centaines d'actions, ce sont 163 actions pour dire stop aux discriminations dans 25 communes 27 communes et plus de 150 partenaires. La programmation est dense à l'occasion de ces semaines de l'égalité, mais simplement peut-être vous annoncer dans ce cadre-là, eh bien, tout d'abord un rendez-vous plutôt sportif, en tout cas entre course et marche de l'égalité. C'est ce mercredi 19 mars à partir de 14h au Parc des Sports de Méon à Saint-Étienne. Et puis une conférence qui aura lieu cette fin de semaine, ce vendredi 21 mars. C'est la conférence Discrimination et Origine, constat et action du défenseur des droits. C'est une conférence rencontre avec Sarah Bénichou, qui est directrice de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits au sein du défenseur des droits, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui se tient chaque année le 21 mars. C'est une conférence qui aura lieu à l'hôtel de ville de Saint-Étienne, salle Aristide Briand. Alors ce sera par contre, il faut être disponible en après-midi à partir de 15h. Et puis je le disais, bon nombre d'autres rendez-vous, ils sont très nombreux dans le cadre de ces semaines de l'égalité, et souvent d'ailleurs associés aux opérations ou à l'opération Ville en Partage sur les questions du handicap, qui propose bon nombre également de rendez-vous tout au long d'ailleurs de ces semaines et tout au long de l'année quasi. Alors, l'occasion aussi de vous rappeler la journée mondiale de la trisomie 21, avec là aussi une opération un peu particulière. Ville en Partage s'invite dans les semaines de l'égalité. C'est une ciné-rencontre, le sport inclusif, avec Prisme 21 Loire, que nous avions aussi reçu sur cette antenne, et qui propose un rendez-vous ce jeudi 20 mars à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. C'est la projection de courts-métrages sur le thème sport et déficience intellectuelle, suivi d'un échange avec les associations et clubs sportifs présents, qui sera proposé ce jeudi de 18 à 20h au cinéma Méliès, place Jean Jaurès. Voilà, tout cela donc dans le cadre de Ville en Partage et ses semaines de l'égalité 2025. Et puis alors, on parlait de cette journée contre le racisme de ce 21 mars. Simplement, vous annoncez cette manifestation contre le racisme et l'extrême droite. On aura l'occasion de le reparler cette fin de semaine. Mais qui est prévue à Saint-Étienne ce samedi 22 mars à 14h, avec un rendez-vous donné à la Bourse du Travail. Alors, bon nombre d'organisations syndicales, de collectifs et autres sont parties prenantes et appellent à cette marche. C'est dans le cadre de la marche des solidarités à Paris et à l'appel de plus de 360 organisations, collectifs et associations en France, que cette manifestation ou ces manifestations sont prévues. Manifestation contre le racisme et l'extrême droite. C'est un rendez-vous donc qui est donné au départ de la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Notez l'horaire, ce sera 14h et la date ce samedi 22 mars. On aura l'occasion de le rappeler jeudi dans ce même programme. On poursuit en musique dans ce programme avant de retrouver nos invités et évoquer ensemble ce printemps de l'agriculture paysanne. Alors avant d'écouter simplement cette proposition musicale, vous annoncez encore, allez, dernière info, ce festival des accents qui va démarrer ce mercredi 19 mars jusqu'à cette fin de semaine, ce 22 mars. C'est la toute première édition, alors autant quand même l'annoncer et vous le présenter. C'est l'occasion, dans le cadre de ce rendez-vous, de célébrer la richesse des accents, des langues et des façons de parler. C'est organisé par l'EPAL Théâtre, la salle Louis d'Aquin, qui va accueillir bon nombre de ces rendez-vous, à la Ricamari, le centre Créal, l'université Jean Monnet. Voilà, c'est la première édition à la Ricamari, mais pas seulement, de ce festival des accents, des langues et des façons de parler. Et en musique, précisément, ce sera avec celui qui célèbre et magnifie finalement notre accent gaga. C'est MC Pampy qui présentera son projet et son spectacle Le Vers Solitaire, qui va être joué à la salle Louis d'Aquin de la Ricamari ce mercredi 19 mars. Mais ensuite, à l'EPAL Théâtre, c'est toute une journée dédiée ce 20 mars. Il y aura encore Vendredi, ce sera cette fois à l'Université Jean Monnet, à la bibliothèque universitaire, mais aussi à la salle des spectacles de l'Université Jean Monnet. Toute une série de rencontres proposées autour, bien sûr, de ces thématiques. Voilà, des rencontres, des débats, des spectacles et découvertes autour de la diversité linguistique et culturelle. C'est le Festival des Accents jusqu'à ce 22 mars à la Ricamari et Saint-Étienne toute cette fin de semaine. Alors en musique, précisément, eh bien, que vais-je vous proposer ? Eh bien, une salle à Saint-Étienne, le Solar, pour la citer directement, propose régulièrement des scènes ouvertes, une programmation dédiée jazz essentiellement. Eh bien, de beaux événements attendus en cette fin de mois de mars. Il y aura Knobil le 28 mars prochain. Et puis ce vendredi 21 mars, le Solar va accueillir Célène. Alors ça se passe dans le cadre de Jazz Migration. C'est une artiste qui est un mélange finalement de caractères, je dirais, forgé à La Réunion. C'est Mélanie Badal, violoncelliste, qui est à l'origine de ce répertoire classique mais joyeusement bousculé, avec à ses côtés Blaise Cadenet, guitariste alchimiste, et puis il y a Manesh Vingatareddy, batteur et percussionniste. Bref, voilà le projet Célène pour ce trio très finalement jazz mais ouvert aussi sur les musiques du monde. C'est un concert attendu, je vous le disais, ce 21 mars à partir de 20h30, et nous allons tout simplement écouter un extrait de Célène avec le titre Sareri, joué en live ici même, avant de les voir précisément sur la scène du Solar ce vendredi. Et si vous êtes intéressé, eh bien vous pouvez tout simplement nous contacter pour gagner des places pour ce concert. Ça se passe ici au bout du fil, 04 77 25 05 94, ou alors tout simplement un petit mail à redac@radiodio.org. Thank you. Voilà, Célène, donc, qui sera en concert et accueillie par le Solar. Ce sera cette fin de semaine et ce sera ce 21 mars à partir de 20h30 pour ce beau concert attendu. Il est précisément 12h30 pour ce direct. Il est peut-être 19h30 ou 8h30 si vous chopez les rediffs. Dans ce programme, des mots, des sons sensibles et deuxième partie, comme je vous l'annonçais en sommaire de cette émission consacrée au printemps de l'agriculture paysanne avec nos invités que je resalue ici. Jean-Pierre Mousset et Jean-Marc Chazot sont avec nous, qui représentent tous deux Vers de Terre et les Amis du Treuil qui co-organisent ce printemps de l'agriculture paysanne qui a démarré le 8 mars dernier et qui se prolonge jusqu'au 5 juin prochain, si je ne me trompe. Alors, petit temps de présentation assez générique peut-être, Jean-Marc et Jean-Pierre, pour nous présenter finalement la genèse de ce printemps de l'agriculture paysanne, qu'elle en était et qu'elle en est toujours aujourd'hui, bien sûr, l'objectif et l'intention. Alors, le printemps, c'est un panel de manifestations diverses, festives parfois, ciné-débats, conférences, autour des enjeux de l'environnement, de l'alimentation et bien sûr de l'agriculture paysanne. C'est quelque chose donc, qui a démarré il y a aujourd'hui environ 5 ans, qui s'est étoffé ces dernières années, qui propose un mixte entre des choses qui existaient déjà et qui ont rejoint le printemps. Je citerai par exemple la fête des semences, qui est quelque chose qui existe depuis 10-12 ans, je crois, dans ces eaux-là, mais qui existait avant et qui s'est fédéré avec nous sur cette organisation. De ferme en ferme, qui est une manifestation qui existe depuis très longtemps dans la Loire et dans le Rhône et qui se situe fin avril cette année. Mais aussi des choses complètement nouvelles qui sont organisées pour l'occasion par les nombreux partenaires. Tout à l'heure, on pourra parler un petit peu de ce qui tourne autour de la semaine contre les pesticides. Donc ça, Jean-Pierre pourra peut-être plus en parler. Il y a aussi des choses autour d'initiatives qui, sans être complètement de l'agriculture, tournent quand même sur l'alimentation, par exemple avec la fourmilière. La fourmilière qui aura des portes ouvertes début avril, avec la ferme au quartier qui va fêter ses 15 ans en juin. Tout un tas de groupes autour de nous qui sont dans cette mouvance, qui réfléchissent autrement et l'environnement, et l'alimentation, et l'agriculture. L'agriculture paysanne, qui paysanne, s'agirait peut-être de définir d'ailleurs en premier lieu. De quoi s'agit-il exactement ? C'est des fois plus facile de dire ce que ce n'est pas. Donc en gros, pour faire très très bref, c'est l'antithèse de l'agriculture industrielle, celle que l'on connaît malheureusement dans tous les pays dits développés. C'est une agriculture qui utilise massivement les pesticides, les engrais de synthèse, qui utilise des technologiques qui ne se retrouvent pas dans des fermes que l'on peut connaître, des fermes de plus petite taille. Donc l'agriculture paysanne, elle vise d'abord à maintenir des fermes nombreuses sur le territoire, sur notre territoire. C'est aussi une agriculture dont on sait, sur les études qui ont été faites, qu'elles maintiennent beaucoup plus d'emplois en milieu agricole, en moyenne 5 fois plus d'emplois que dans l'agriculture dite industrielle, donc c'est quand même pas mince. C'est aussi des structures, les fermes de l'agriculture paysanne essayent justement d'être beaucoup plus autonomes et de pouvoir dégager un chiffre d'affaires pour qu'il y ait un revenu paysan. On sait qu'actuellement, depuis pas mal d'années, depuis l'année dernière, et les crises de 2024 qui continuent montrent que le problème du revenu paysan est un vrai, vrai gros problème. Donc les structures, les fermes de l'agriculture paysanne essayent de porter un autre modèle justement qui va permettre à des gens de vivre dignement de leur travail et de produire aussi des aliments de qualité pour les consommateurs que nous sommes, les mangeurs que nous sommes. Donc une des caractéristiques des fermes d'agriculture paysanne, c'est qu'elles sont beaucoup moins dans ce qu'on appelle les circuits longs. Elles visent pratiquement pas à faire de l'exportation à l'autre bout du monde. Donc il y a beaucoup de production qui vise à nourrir d'abord les autour des fermes, donc dans la Loire, dans la région lyonnaise ou autre, pour parler de notre territoire. Ouais, ce n'est pas véritablement le modèle dominant aujourd'hui. Et donc cette agriculture paysanne-là et ce modèle-là fait face à de nombreuses difficultés, et notamment à, je dirais, un modèle politique en la matière assez écrasant. Mmh. La question des revenus, certes, est un de ces points essentiels, mais effectivement, comme tu l'évoquais, ce secteur aussi est en crise depuis déjà quelques temps, de façon assez exacerbée depuis l'année dernière. Le milieu agricole a été et est très mobilisé sur ces questions, non seulement de revenus, je dirais, dignes pour ces métiers, mais au-delà de la disparition des fermes, et petites fermes en l'occurrence, et c'est aussi la question de l'attractivité et de la transmission qui est aussi au cœur finalement de ces problématiques. Ce que l'on peut dire, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le secteur, c'est que les chiffres du ministère, donc on ne peut pas nous taxer d'être partiaux en la matière, on perd depuis 2010, on perd en moyenne une ferme toutes les heures en France. Donc c'est une catastrophe. Il y a quelques années, il y avait plus d'un million, il y a eu jusqu'à 6 millions d'agriculteurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On en est à peu près à 400 000 agriculteurs en France, actifs agricoles, et on nous annonce possiblement un potentiel de 200-250 000, donc c'est la fermeture permanente de toutes les fermes sur notre territoire, et c'est une catastrophe pour les paysans, bien sûr, et pour tous les citoyens, puisque les fermes, c'est elles qui produisent la plus grosse partie de l'alimentation que nous allons avoir, ou que nous n'aurons plus, malheureusement, prochainement. Et oui, qui nourrit le monde. Qui nourrit le monde, effectivement. Tout simplement. Oui, Jean-Marc. Et puis, quand on parle du système dominant, qui s'abrite souvent pour dire il faut continuer de produire, il faut une autonomie alimentaire. C'est pas du tout ce qui se passe sur les territoires, et l'agriculture industrielle, elle est exportatrice pour notamment 2-3 variétés de céréales de façon très intensive, mais dans le même temps, dans les territoires où elle produit ces céréales, l'autonomie alimentaire, c'est pas mieux chez nous d'ailleurs, mais elle est rarement au-dessus de 5%. Donc ça veut dire qu'un secteur géographique donné, il est autonome à 5% par ses paysans locaux. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas assez, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de terres pour en accueillir. Donc je pense que le système dominant, il est sur la fin. Et ils sont en train d'essayer de le prolonger par des tas d'artifices qui font que finalement on dit c'est toujours possible. Mais ce système-là, il a vécu. Et aujourd'hui, la plupart des citoyens français veulent plus de ce système. Or, aujourd'hui, on l'a dit, c'est une petite minorité qui va décider de la politique paysanne, de la politique agricole en France. Et il faut que l'ensemble des citoyens s'emparent de ce débat, parce que ça nous appartient à tous. Oui, un modèle qui tend vers sa finitude, quoi, vers sa fin. Finalement, on fonce droit dans le mur. Seulement, comment renverser les choses, c'est aussi tout l'enjeu et toute c'est compliqué. La grande question. Comment vous, parce que c'est peut-être l'occasion dans notre discussion, en abordant peut-être ces thématiques un peu fortes, de voir la façon dont vous le déclinez ou allez les décliner dans votre programmation, peut-être. Bon, on peut donner 2-3 exemples. Par exemple, Jean-Marc évoquait il y a quelques instants la semaine des alternatives aux pesticides, qui est une grande opération nationale faite par Génération Future. Le Treuil est adhérent de Génération Future et on travaille sur des actions depuis 3 ans. Maintenant, c'est la troisième année. Donc, par exemple, on va faire cette fin de semaine, donc à Chalmazel, il va y avoir une visite de ferme, la ferme d'Anne-Marie Griot et de Michel Barou, qui est une ferme en bio, qui va nous inviter à venir visiter la ferme pour essayer de débusquer tous les, non seulement les pesticides, mais les molécules synthétiques qu'on peut trouver aussi bien dans de l'emballage, dans de la construction, dans des contenants, dans les produits qu'on utilise ou pas en agriculture. Donc voilà, les matériaux. Donc ce vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h30 à peu près à Chalmazel, une visite de ferme avec un casse-croûte paysan et le fait de pouvoir répondre à des tas de questions-réponses. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est transposable, c'est-à-dire les découvertes qu'on va avoir sur les produits qu'il y a dans une ferme, on peut se dire qu'on a à peu près les mêmes produits, ou peut-être un peu s'en faut, dans notre environnement familial, par les meubles, par les produits en plastique et autres. Donc, oui, ou les produits toxiques, se dissimule un peu exactement. Partout. Exactement. Donc voilà, c'est un premier exemple d'une action qui est en référence à ce dont on vient de parler. Une autre action qui a lieu début avril, donc c'est une soirée sur l'effet des pesticides sur les pollinisateurs et donc avec les méfaits sur l'apiculture. Donc on fait Outreuil une soirée avec des apiculteurs qui seront présents, avec le GASAR qui est une association de la région lyonnaise qui intervient sur la santé du milieu, enfin des ruches et autres. Donc on fait une deuxième action à ce niveau-là. Et puis on a voulu faire intervenir, donc je peux glisser les deux infos, on veut faire intervenir aussi des personnes qui sont des personnes de référence sur le modèle agricole et les problèmes qui se posent actuellement. C'est notamment la venue le 12 avril au Treuil de Philippe Pointreau, qui est le président national de la Fondation Terre de Liens. Donc Terre de Liens vient de sortir un nouveau rapport en 2025 sur la folie du modèle qui est mis en place actuellement. Et donc le Philippe Pointreau viendra intervenir au Treuil, et c'est ouvert à, y compris en dehors des adhérents, toute personne intéressée pourra participer. Et on fait intervenir aussi le 17 mai un autre intervenant, donc Mathieu Calam, qui est aussi quelqu'un qui a écrit un certain nombre de bouquins et qui dénonce aussi la folie finalement de l'Europe qui un siècle après a inversé pratiquement à son déprofit finalement le modèle agricole, puisqu'actuellement l'Europe, elle exportait beaucoup beaucoup de matières premières qui ne rapportent pas grand-chose et s'est transformée dans d'autres pays. Ça nous revient avec la valeur ajoutée. Donc c'est le bois, les grumes de bois qu'on envoie en Chine et les meubles nous reviennent de Chine en Europe et ainsi de suite. Donc Philippe Calam dénonce un système totalement dingue qui marche sur la tête, qui est de dire finalement l'Europe, contrairement à ce qui se faisait au 19e siècle, où là c'était le contraire, mais actuellement s'est mis dans un modèle où elle produit à bas prix des produits qui sont transformés et valorisés ailleurs. Donc ça sera l'occasion d'une rencontre un peu décapante, je pense, avec Mathieu Calam le 17 mai au Treuil. D'accord. Le Treuil, on le rappelle, c'est ce lieu, tiers-lieu rural. C'est un tiers-lieu rural et c'est aussi un réseau. On regroupe à peu près une quarantaine d'organisations, dont Vers de Terre, dont la Maison de la Semence, les organisations paysannes et la Confédération paysanne. Donc une quarantaine, et puis les AMAP, bien sûr, je ne vais pas tous les citer. Donc c'est en même temps un réseau, c'est en même temps un lieu, une ancienne ferme qui a été rénovée, retapée par des bénévoles essentiellement. Et donc c'est un petit peu le lieu où on essaye de faire se rencontrer des tas d'initiatives, des tas de visions, des tas d'approches pour monter des projets et pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Oui, il y a un bon nombre d'organisations qui sont parties prenantes de ce printemps de l'agriculture paysanne. Le Treuil est situé chemin du Treuil et c'est dans la plaine à côté de Saint-Galmier, sur la commune de Chambœuf. Précisément. La semaine des alternatives aux pesticides, c'est la 20e édition, c'est le 20e anniversaire. On avait parlé il y a justement 20 ans de cela déjà sur cette antenne, avec tout le travail de François Vaillerette et de Génération Future aujourd'hui, dont on réentend aussi beaucoup parler sur les questions des PFAS ou de produits toxiques pour exemple. Et donc c'est le deuxième événement de ce printemps de l'agriculture paysanne, puisque le tiers-lieu justement du Treuil accueillait l'atelier greffe et découverte de l'arbre le 8 mars dernier. C'était le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, donc, où se cache-t-il ? C'est question des produits toxiques, des molécules chimiques qui sont présentes partout, pesticides, plastiques, produits alimentation. Et c'est donc, tu le disais Jean-Pierre, à Chalmazel, à la ferme des Fougères, ce vendredi 21 mars, à partir de 17h. Juste, je digresse un peu sur ces questions-là. Avec pas mal d'infos là que nous avons reçues, un peu alarmantes, sur diverses questions, dont la question des pesticides, mais pas seulement, due notamment à la loi du plomb, qui justement va dans un autre sens, celui de l'intensification de notre agriculture. Et justement, Génération Future, mais aussi d'autres organismes, France Nature Environnement et autres, ont dénoncé cette proposition de loi véritablement rétrograde. Est-ce que vous êtes aussi mobilisé, forcément, j'imagine, sensibilisé à la question, que vous pouvez peut-être éclairer. Pour reprendre l'exemple de la Confédération Paysanne, qui est le syndicat qui porte effectivement l'agriculture paysanne, il dénonce, c'est une sorte d'hold-up, hein, il faut bien dire les choses, autour du problème soi-disant du revenu paysan. On est en train de dire que le problème du revenu paysan, c'est celui des normes, ce qui est totalement faux. Je veux dire, la captation de la valeur dans les fermes, elle ne provient pas de l'utilisation ou pas de telle molécule, c'est simplement qu'il y a des intérêts économiques qui se mettent dans la poche la plus grosse partie de la valeur ajoutée. Donc les fermes sont clairement prises en otage par les grands intérêts capitalistes, on va dire les choses très clairement, et c'est pas en réutilisant, en réautorisant des produits qui ont démontré leur toxicité grave, aussi bien sur les êtres humains, les animaux, mais aussi la végétation, la planète en général, c'est pas en réautorisant des produits de ce type-là qu'on va régler le problème du revenu paysan, évidemment. Donc là, ça a été une sorte de hold-up, c'est-à-dire autour de la crise de l'agriculture, on est en train de démanteler la totalité de tous les éléments protecteurs de l'environnement. Et l'environnement, on en fait partie, les humains en font partie, hein. Nos enfants aussi, hein, nous remercieront, et notamment le sénateur Duplon, d'avoir réautorisé des produits toxiques. Absolument. Et alors, tu le disais, un monde aussi très clivé, je dirais, dans ce secteur. Et là, ce fut aussi... un coup de massue au mois de février dernier avec des paysannes qui ont reçu un courrier, notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de son président et puis de son, je dirais, conseiller spécial, ex-président Laurent Wauquiez, pour le citer. Et les associations, là aussi, ont vivement réagi. Et notamment, j'en faisais part semaine dernière, France Nature Environnement, qui faisait état de cette vague sans précédent de violence, dégradation, invectives et agressions véritablement menées à l'initiative, ils étaient précisément cités, de la FNSEA, de la JIA et de la coordination rurale, contre des membres et des locaux de diverses associations de protection de la nature et de l'environnement, la police entre guillemets de la nature et de l'environnement qui est l'OFB, les instituts de recherche, l'expertise scientifique, bref, en tout cas quelque chose démocratiquement là qui est très très alarmant, mais véritablement et menaçant, et qui va à l'encontre de ce que l'on discute un peu ici, de l'intérêt général finalement, hein, qui va à la préservation davantage justement des productions mais aussi des ressources, des sols, de l'eau, des écosystèmes. Là aussi, ce courrier était juste ahurissant. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, je ne parle pas au nom de l'asso, mais je veux dire, à titre personnel, je me suis dit, c'est un appel au meurtre. Parce qu'on sait que dans des fermes, il y a quelques années, par exemple, des contrôleurs de l'URSSAF et autres qui ont été tués. Je veux dire, faire un courrier tel que celui-ci, en ciblant explicitement les agents publics de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, donc qui, comme tu le disais, assure la police de l'environnement, c'est vraiment mais gravissime. Et en plus, c'est totalement à côté de la plaque. D'ailleurs, il y a plusieurs centaines de personnes, notamment des paysans de la région Rhône-Alpes, qui ont fait une lettre ouverte et une lettre en réponse en disant mais c'est pas du tout le problème, c'est pas ce qu'on attend. On n'attend pas la suppression de l'OFB, on attend plutôt de reconnaître et de conforter les moyens de l'OFB pour soutenir un modèle. Et je crois que dans la lettre, on parle aussi, par exemple, d'une approche pédagogique de l'OFB. Donc, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on va régler le problème de l'agriculture une fois de plus. Mais le courrier était juste intenable, insupportable, inqualifiant. Voilà. Agriculteurs et agricultrices ont en effet répondu en soutenant l'OFB, bien entendu, et en dénonçant le populisme de Laurent Wauquiez et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment un courrier qui est assez hallucinant. Moi, j'en ai pris connaissance également. Enfin, il y a même des propos, alors que ce travail de contrôle, il est minime, hein, en fait. C'est très peu de contrôles qui sont effectués par l'OFB auprès du monde agricole. Mais bon, pour reprendre des éléments du courrier, c'est assez hallucinant d'entendre nos élus régionaux parler et comparer l'OFB, nos agriculteurs, les agriculteurs, à des trafiquants de drogue, en prenant un exemple d'un barrage de castor qui aurait été réalisé, qui inondait des parcelles de céréales, et l'éleveur aurait été poursuivi par l'OFB, enfin, etc. Alors qu'en fait, le castor même, par exemple, est un animal qui est... comment on dit, protégé, absolument, hein, enfin voilà. Et qui n'a pas attendu l'OFB pour y assister. Absolument. Absolument. Et bref, vraiment un contenu et un propos qui est assez hallucinant. Mais réaction a été faite, lettre ouverte, en effet, du secteur concernant ce courrier aux agriculteurs. Donc c'était début février dernier. Autre point, on parle... Oui, Jean-Marc. Oui, je voudrais... On ne peut pas, bien sûr, parler de tout le programme. Il absolument. Il est d'ailleurs disponible sur le site du Treuil. Sur le site internet du Treuil, donc sur une page dédiée au printemps de l'agriculture paysanne. C'est letreuil.wordpress.com. Et je voudrais revenir quand même sur deux, trois événements. Et je rajouterais justement que sur ce site, c'est important d'y aller parce que c'est une organisation qui est un peu compliquée dans le sens où on fiche des choses fin janvier, début février qui vont se dérouler jusqu'en juin. Donc chaque année, il y a quelques petites modifications. Il y a des rajouts. C'était le cas l'an dernier. On ne sait pas. Cette année, il y aura peut-être des rajouts, des ciné-débats qui vont être liés à l'actualité parce qu'il y aura une sortie d'un film qui est intéressant de promouvoir et qu'une une des organisations qui participe au printemps va pouvoir pousser. Mais moi, je voudrais revenir sur deux choses. Quand on parle agriculture, on est bien sûr dans le thème aussi de l'alimentation. L'agriculture et l'alimentation, c'est complètement lié. Et du coup, je voudrais revenir sur la soirée du samedi 19 avril où la caisse locale d'alimentation qui est en fait qui préfigure comme dans des tas d'autres expériences en France, il y en a des plus répandues encore, mais il y en a dans pas mal d'endroits, la volonté d'arriver à une sécurité sociale de l'alimentation qui pour nous pourrait résoudre à la fois le problème des débouchés pour l'agriculture et aussi de l'accès à l'alimentation, parce que c'est souvent ce qui est reproché aux agriculteurs bio. On leur dit oui, mais vous cultivez pas pour tout le monde, vous cultivez pour une élite. Donc déjà c'est faux, puisque avec des circuits courts, avec l'absence d'intermédiaires et de gens qui se sucrent au passage sur le dos des paysans, on arrive à des prix qui sont très compétitifs pour de la nourriture, un, de qualité, et deux, dont on sait l'origine. Mais en plus de ça, il est clair qu'il faut aider cette agriculture et il faut aider aussi les gens à accéder à l'alimentation, y compris de l'alimentation tout court et parfois de mauvaise qualité. Donc il y a un vrai challenge. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, il y a pas mal d'organisations en France qui poussent ça depuis déjà 5-6 ans. Il y a des expériences qui sont en cours et à Saint-Étienne, il y en a une qui a pris sa source il y a déjà un an ou deux, mais qui a démarré vraiment début février à Saint-Étienne. Et il y aura une soirée autour de ce lancement de la caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. Ouais, ce sera donc, le 19 avril. Ça sera à l'Amicale du Crêt de Roc. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'y participer. Et je voudrais aussi présenter une autre initiative. C'est le samedi 5 avril où il y aura une balade animée de lecture du paysage. Sur la ferme de Nicolas Claire à Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Et donc, il y aura une petite balade qui peut se faire en famille, qui peut se faire individuellement, mais qui permet de voir un petit peu l'évolution des paysages. Des paysages agricoles. En évolution. Et de voir qu'en fait, à un moment donné, nous, on voit deux arbres, et le paysan qui va nous expliquer, il va nous expliquer tout ce qu'il y a eu avant. Et c'est hyper intéressant. Et là, on conseille vraiment aux gens de venir, y compris avec des enfants, parce que ce sera 3 km maximum. Et ça peut être une balade intéressante. C'est une autre expérience. Alors, elle est proposée par les Amis de la Confédération Paysanne, dont un groupe local s'est recréé cette année. Et donc, c'est l'idée de rapprocher aussi le citoyen de l'agriculture. Parce que c'est quand même un des buts du printemps de l'agriculture paysanne, c'est qu'on fasse voir que l'agriculture, ça appartient à tout le monde et qu'on doit tous s'en mêler. Ouais. Et puis il y a de nombreuses rencontres, effectivement on ne peut pas tout aborder ici, mais des rencontres autour de projections, et c'est le cas la veille d'ailleurs, le 4 avril, autour d'un film documentaire, Fleurs du futur, d'Obra Voda, qui sera projeté au cinéma Le Colisée à Saint-Galmier. Et tu parles de paysage, c'est effectivement la question des haies, des arbres, oui, des mares, et donc la question de l'eau et du cycle de l'eau, très important aussi, qui va également être à l'ordre du jour pour une rencontre très prochaine. Ce sera fin mars, le 28 mars, peut-être Jean-Pierre, oui, tu peux revenir sur la venue à nouveau de Samuel Bonvoisin, dont je voulais proposer un extrait aujourd'hui, mais on le retrouvera, j'aurai l'occasion de l'aborder dans les programmes à venir, qu'on a rencontré lors du forum départemental en novembre dernier. Alors effectivement, on avait fait venir Samuel Bonvoisin, qui est ingénieur agronome et qui s'est spécialisé effectivement sur ce qu'il appelle le titre de la conférence, c'est « Comment cultiver l'eau ». Donc c'est un peu provo, parce que finalement, même s'il y a eu beaucoup de pluie l'année dernière, on sait qu'on rentre dans une période, les prochaines dizaines d'années de sécheresse, et finalement, on s'aperçoit que la nature nous propose des solutions, si on tient compte de la nature, qui permettent de soigner, de réparer, de relancer ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, qui va permettre de réamorcer des étangs, qui va permettre de réamorcer des sources. Donc Samuel Bonvoisin était venu le 16 novembre, comme tu le soulignes, au forum Partageau. On a décidé avec la ville de Saint-Chamond de co-organiser sa seconde venue, donc le 28 mars, le vendredi, à la salle Roger Planchon. Donc c'est l'ancien cinéma, c'est vers la médiathèque pour les gens qui ne sont pas de la commune. Donc c'est gratuit, c'est un accès gratuit. Et vraiment, on incite le maximum de personnes à venir écouter les propos et s'apercevoir qu'il y a des solutions extrêmement ingénieuses et souvent de faible impact sur le plan économique. Il n'y a pas besoin de bétonner, de créer des méga-bassines, de créer des méga-barrages pour relancer le cycle de l'eau. Donc, oui, c'est simplement s'appuyer sur la nature. C'est ça, question de bon sens quelque part. Bon sens, ouais. C'est ce qu'il nomme l'hydrologie régénérative et qu'il a développé lors d'une conférence... en novembre. Et donc, on peut faire le lien avec ce que tu as évoqué juste avant, la venue de Bravoda, donc la venue de Valérie Valette, donc qui est une réalisatrice d'ailleurs de la région lyonnaise, qui va venir présenter le documentaire. De Bravoda, ça veut dire la bonne eau. Et finalement, c'est une expérience presque à ciel ouvert en Tchéquie, d'avoir réaménagé sur toute une région des petits ouvrages très simples, peu coûteux, en bois et autres, qui ont permis de relancer le cycle de l'eau. Donc ça répond complètement, c'est une expérience qui répond complètement aux propos de Samuel Bonvoisin sur comment cultiver l'eau finalement. Ouais. Une interview en intégralité que vous pouvez retrouver sur notre site radiodio.org que j'ai réalisée auprès de Samuel Bonvoisin dans le cadre de ce forum Partageau et que je reproposerai semaine prochaine dans ce même programme en extrait pour annoncer ce rendez-vous du 28 mars prochain. Un autre ciné-débat aussi noter qui sera proposé à la fois au Treuil le 18 avril, si je ne me trompe pas. Oui, le 18 avril et au cinéma VO de Saint-Chamond le 22 mai, autour du pain. Donc, c'est un film de Pablo Ruiz qui s'appelle « Graines de vie » et qui relate un peu la vie de travail de deux paysans boulangers, un couple de paysans boulangers. Donc les deux fois, il y aura à la fois la présence du réalisateur et la présence d'un des deux paysans, plutôt lui. Il s'appelle Damien, voilà. Donc ça, c'est deux soirées autour de ce film « Graines de vie ». Au Treuil, ça sera en soirée, je ne sais plus si on a déjà l'heure, mais ça sera précisé un peu plus tard. Mais en fait, on aura l'occasion aussi, nous, dans nos programmes, au fil des semaines, d'accompagner toute la programmation de ce printemps de l'agriculture paysanne. Pour revenir à l'eau, j'avais aussi noté le 17 mai cette balade le long du Gier, Gier sauvage au Gier urbain, qui va être présentée également encore à Saint-Chamond. Et puis donc, des conférences, des projections, des visites. Bref, la programmation est chargée. Il y a les jardins de Cocagne. Je pense aussi à cette journée du côté d'Oasis à Saint-Just-à-Rambert le 25 avril prochain. Et puis d'autres rendez-vous encore plus proches peut-être. C'est un grand rendez-vous aussi qui est attendu tout de même fin mars, le 29 mars, la fête des semences paysannes à Marcy-le-Châtel avec la Ravachole en chorale et d'autres animations prévues avant d'entamer le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, début juin, le 5 juin, la soirée de clôture qui sera l'occasion d'annoncer Vers de Terre. Voilà, salon. Ça sera la soirée de lancement salon Vers de Terre, salon de l'agriculture et de l'alimentation. Le premier week-end de septembre prochain. Et puisqu'on parle juste de jardin, je pense aux AMAP aussi. Jean-Pierre était très investi, tu l'es toujours j'imagine, dans les AMAP, les associations de maintien pour l'agriculture paysanne justement, qui fête sa semaine, c'est à l'automne chaque année. C'est entre le mi-septembre, c'est un mois maintenant, entre mi-septembre et mi-octobre. Oui, et alors je crois simplement, mais ce n'est pas inclus là dans le printemps de l'agriculture paysanne, mais qu'il y a des portes ouvertes à Saint-Chamond, par exemple, avec l'AMAP du Creux le 28 mars prochain. Et puis, il y a des rencontres régionales, des AMAP de la région, donc, qui est prévue le 30 mars à Lyon. Tout à fait. Quelques mots, peut-être, sur ces... Alors, les rencontres régionales, c'est en même temps l'Assemblée Générale annuelle du réseau Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est aussi un temps de travail, justement, sur l'alimentation. Donc, il y a vraiment des ateliers, des intervenants qui vont nous permettre de travailler. Donc, c'est ouvert, bien sûr, aux adhérents des AMAP, mais... c'est aussi ouvert à des personnes intéressées pour venir sur ces événements. Donc voilà, ça va se passer à Lyon cette année. Les rencontres l'année dernière, c'était vers Clermont-Ferrand. Cette année, c'est en région lyonnaise, enfin à Lyon même. À la Maison de l'Environnement. Voilà, c'est ça, la Maison de l'Environnement. Et l'année prochaine, je crois qu'on peut dire, non, à l'automne, on fait une deuxième rencontre. À l'automne, rencontre. On fait de secondes rencontres régionales qui auront lieu au Treuil le samedi, je crois, maison. 5 octobre, c'est un samedi. Oui, okay. Tout à fait. On aura l'occasion donc de réannoncer ces rendez-vous. En tout cas, on renvoie sur votre site, donc, le Treuil, tout accroché en minuscule, .wordpress.com, pour avoir vos actualités et notamment la programmation de ce printemps de l'agriculture. Le treuil.fr, ça marche aussi. Ah, ça marche aussi. Ouais, c'est okay. www.letreuil.fr. Le treuil.fr, ça simplifie en effet. Grand merci à vous, en tout cas, pour être venu en ce temps si réduit présenter cette dense programmation. On vous souhaite un bon printemps, merci. En tout cas, que l'on va suivre donc sur cette antenne à nouveau. Nous allons terminer tout simplement en musique, très rapidement, avec le tremplin dispositif Nos Talents sur Scène, le tremplin musiques actuelles de Saint-Étienne, qui a commencé pour sa première soirée le 13 mars dernier. Vous savez qu'on fait partie de ce tremplin en tant que partenaire et jury, en ce qui concerne la radio bien sûr. Une première phase d'écoute de près de 80 candidatures a eu lieu pour sélectionner 20 projets qui se produisent actuellement et tout au long de ce mois de mars dans 5 salles partenaires. Il y aura dans ces 20 projets 4 ou 5 groupes qui vont être sélectionnés pour la finale qui aura lieu le 14 mai prochain, salle Le Fil. Alors les présélections live se déroulent actuellement. La prochaine soirée ou les prochaines soirées, ce sera au PAX le 27 mars, le 25 mars à la maison de l'université à la salle de spectacle, au Château du Rosier ce jeudi 20 mars. C'est 4 groupes par soirée et ce mardi soir, ça se passe au Chambon-Feugerolles à l'espace Albert Camus à partir de 20h. 4 groupes sélectionnés et on va juste simplement terminer avec justement une de ces découvertes, un de ces jeunes talents. C'est le projet Patterson Panic qui est précisément du Chambon-Feugerolles et qui donc se produit à la maison ce soir. Il va donc y avoir sans nul doute de l'ambiance. Et c'est un groupe qui a retenu mon attention lors justement de la phase d'écoute. Très bon projet, un jeune groupe. Hein. C'est un artiste qui mène ce projet-là, Malo, qui a 22 ans, qui est accompagné de 3 autres musiciens et musiciennes et qui mène ce projet Patterson Panic dans un registre plutôt pop-folk en français, s'il vous plaît. Donc je vous propose d'écouter un extrait. Ça s'appelle Longue Vue. Il se produit ce soir avec son groupe Patterson Panic. Il y aura également Déhard, c'est de la pop-rock de Villard. À Villard également le projet rap de Paul Nord et il y a encore la pop-rock qui nous vient d'Unieu pour Symphony of the Night. C'est ce soir à 20h, c'est gratuit, à l'espace Albert Camus du Chambon-Feugerolles, situé Allée des Pyrénées. Et ce sera la toute dernière proposition de ce programme en guise de générique de fin. Tout bon chez vous, portez-vous bien, on se retrouve jeudi, même lieu, même heure. Ciao, bye.